Lisbeth souffrait tant qu'elle inspirait les craintes les plus vives à Valérie. Aussi Valérie fit-elle à peine attention à la rageuse entrée du baron. La maladie est un des paravents que les femmes mettent le plus souvent entre elles et l'orage d'une querelle. Hulot regarda partout à la dérobée, et il n'aperçut dans la chambre à coucher de la cousine bête aucun endroit propre à cacher un Brésilien. « Ton indigestion, bête, fait honneur au dîner de ma femme, » dit-il en examinant la vieille fille qui se portait à merveille et qui tâchait d'imiter le râle des convulsions d'estomac en buvant du thé. « Voyez comme il est heureux que notre chère bête soit logée dans ma maison. Sans moi, la pauvre fille expirait, » dit Madame Marneffe. « Vous avez l'air de me croire au mieux, » reprit Lisbeth en s'adressant au baron. « Et ce serait une infamie. »« Pourquoi ?» demanda le baron. « Vous savez donc la raison de ma visite ?» Et il guigna la porte d'un cabinet de toilette d'où la clé était retirée. « Parlez-vous grec ?» répondit Madame Marneffe avec une expression déchirante de tendresse et de fidélité méconnue. « Mais c'est pour vous, mon cher cousin !» « Oui, c'est par votre faute que je suis dans l'état où vous me voyez !» dit Lisbeth avec énergie. Ce cri détourna l'attention du baron qui regarda la vieille fille dans un étonnement profond.